Là, tu t'en vas où, le Davilton, ben Moïse pis son yoga? Ah, j'aimerais ça te faire pleurer avant. Ah oui! Sur le sort des anarchistes québécoises. Deux jeunes québécoises anarchistes qui veulent vous faire pleurer ce matin à la une de la presse. Amélie Pelletier, entre autres, qui veut vous parler de sa réalité d'anarchiste en prison. Comme quoi, la vie d'anarchiste en prison au Mexique, c'est pas facile, hein? J'ai de la paix! Ils sont à Mexico. Ça, c'est une place où j'aimerais pas être en prison au Mexico. J'ai de la gros paix! Est-ce que tu oserais tirer des cocktails Molotov, toi, sur un concessionnaire Nissan à Mexico? Au Mexique? Ouais. Non. C'est pas comme au Québec. Mais c'est difficile, la réalité d'anarchiste en prison. C'est quoi ces deux anarchos pandas-là qui sont allés tirer des cocktails Molotov au Mexique? Ils essaient de nous faire broyer le matin. C'est ça, ils ont des causes, eux autres, là-bas. Puis là, ils ont envoyé des messages où on veut nous faire pleurer. La prison signifie peur, inconnu, honte, solitude, isolement. Pas drôle. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Pas drôle, dis-je, mort de rire. Regarde, j'ai... Là, ils vont essayer de faire baisser la peine parce qu'ils trouvent que c'est trop sévère. 10 ans après. Mais il y a beaucoup de monde qui pense que c'est comme au Québec. Hein. Maman va venir me chercher. Ouais, là. Ils vont arriver, tu sais, ils s'en vont dans un pays de cul comme le Mexique. Puis là, ils pensent que ça va être exactement comme au Québec. Ils vont être bien jugés. Ben oui. La prison, c'est des clubs med exactement comme comme au Québec. Je suis une personne importante. Moi, l'ambassadeur va venir me chercher. Hey, je suis anarchiste. Moi, là, t'es un peu, là. Ça va être bon. Hein? Ta crise d'ado. Un cadeau, là. Ta crise d'ado est pas finie. Non, oh. C'est ça. C'est coquet. Fallon Poisson et Amélie Pelletier qui sont donc pognés dans une prison à Mexico. Fallon Poisson. OK. Deux jeunes Québécoises. Là, c'est pas drôle. La presse, je sais pas s'ils pensent vraiment qu'on va pleurer matin. La presse, ils mettent ça à une. Pis, la grosse histoire. Pis, regarde, c'est pas facile en prison. Organise-toi tes troubles. Oui, je pense que oui. Je suis allé au Mexique. Sais-tu ce que j'ai pas fait? J'ai pas tiré de cocktail Molotov sur un char. Non, c'est non. Ça. Hein? Toi, t'es resté prisonnier d'un tout inclus, c'est oui, ça? Oui, c'est ça. Moi, je reste prisonnier d'un tout inclus. Je me tiens là, puis ça se passe bien habituellement. T'es pas fait de casse non plus dans le tout inclus non plus. Non. J'oserais pas regarder quelqu'un de travers. Est-ce qu'ils vont apprendre à faire du yoga, d'après toi, en prison au Mexique, là-bas? Je veux pas connaître la recette. Tu sais, il y a des nouvelles, des fois, le matin.